Jane, par Henri Febvre. L'histoire de ce tableau, de ce simple portrait de femme dont le succès à la dernière exposition m'a tant surpris tout le premier. « Oh, elle est bien simple, et je vais te la dire, » fit le peintre de Villet, en se laissant aller sur son divan, dans la demi-obscurité recueillie de l'atelier propice à ses conversations abandonnées, où, dans la rêverie des confidences, s'évoquent d'eux-mêmes les légers fantômes du souvenir. « Et d'abord, » reprit mon ami de Villet, en baissant sa voix imperceptiblement attendrie et en oubliant la cigarette qui fumait entre ses doigts, « et d'abord, il ne faut pas t'attendre à un roman compliqué. L'intrigue de mon histoire est bien puérile, ou plutôt il n'y en a pas. Il ne s'agit que d'un sentiment enfantin, d'une amourette innocente, d'une passionnette, comme dit M. de Goncourt, de ma toute première adolescence, mais dont la jolie ingénuité est restée encore toute fraîche dans mon âme déjà coriace de Parisien, et me donne même maintenant, chaque fois que j'y pense, cette délicieuse impression printanière que laisse à son passage une charrette de muguet respirer un tournant de rue dans l'atmosphère fiévreuse et les coudoiements du boulevard. Et si ce portrait de femme a plu, ce n'a pu être que par le charme et la mélancolie vécue que j'ai essayé d'y mettre, et que je n'espérais guère voir compris par les autres. Le charme et la mélancolie de cet amour puéril, dont la déception était pour moi la plus réelle souffrance, et dont le souvenir fait encore, je crois bien, le plus vrai bonheur de ma vie sérieuse d'homme. Mon Dieu, oui, je n'étais alors qu'un blanc bec de 18 ans, assez gauche, comme on l'est à cet âge, avec une timidité de frais échappés de collège, très candide sous le cynisme factice, que l'on se croit obligé d'arborer avec les premières moustaches. Et j'étais tout aux joies vulgaires et aux polissonneries bruyantes de la première jeunesse, quand une visite, que mes parents reçurent à la campagne où nous passions les vacances, non loin de la petite ville de province que nous habitions, changea tout à coup mon caractère et fit sourdre en moi comme un flot de sentiments nouveaux. Les personnes invitées par mes parents à passer la journée avec nous m'étaient bien connues. C'était un vieux ménage de commerçants, des juifs riches et estimés dans la ville. Le mari, un grand, lourd et puissant homme, aux épaules massives, avec une large barbe argentée dans une grosse figure débonnaire, l'air à la fois un peu ours et un peu patriarche, est resté d'allure et d'encolure populaire dans sa richesse. La femme, une toute petite vieille dame ridée, de mine affable et astucieuse, avec des yeux malins brillants, comme ceux des pies au fond des orbites caves, et un nez crochu en bec d'oiseau. L'homme avait fait sa fortune pendant la guerre en vendant du fourrage à notre cavalerie et avait été décoré récemment. Tels que je les connaissais, je ne pouvais attendre de leur visite grand intérêt ni péripétie bien émouvante. Mais ma surprise fut vive quand je vis qu'ils n'étaient pas seuls. Chef et aïeul d'une famille nombreuse comme une tribu, ils amenaient avec eux une de leurs petites filles qui se trouvait chez eux à cette époque et qui les accompagnait avec sa mère. Une jolie petite juive de 15 ans devant le soprest et comme envolée, de laquelle, quand elle descendit de voiture, je me sentis tout d'abord ébaubi de surprise, dans un subit émerveillement au sentiment nouveau de finesse, de grâce et de légèreté qui m'était révélé, tout le charme délicat de la femme, dont l'appréciation, en même temps qu'un bonheur, me donnait la conscience bienfaisante d'un affinement personnel et comme d'une transfiguration de moi-même. Cette petite Jane, comme elle l'appelait, était en effet charmante et ce qui acheva tout de suite de me séduire, d'une simplicité et d'une netteté d'allure qui supprima immédiatement cette espèce d'embarras nigaud qui empêtre si souvent les jeunes gens et établit d'elle à moi une aisance et une entente de camarades. Au point que notre babillage à table, l'espèce d'amitié brusquement manifestée entre nous, fit plusieurs fois tourner la tête à la vieille dame aux yeux malins et amuser nos familles. Je ne m'appesantirai pas sur les 1000 petits riens qui, à cet âge et en ces circonstances, emplissent de gros bonheurs idylliques une journée semblable. Les bouquets cueillis au jardin, la promenade en barque complotée et interdite au dernier moment par les parents, le soudain étonnement de voir le soleil baisser et l'espèce de petit désespoir devant l'imminence du départ. Je ne veux retenir qu'une chose de cette journée aimable, la découverte que je fis, sitôt les invités partis, de l'amour qui venait de me naître pour la petite juive et de ce sentiment inconnu de finesse et de charme et d'affinement de moi-même qui était éclos en même temps. Mille beautés des choses, des délicatesses de la vie qui m'avaient échappé jusque-là, me pénétraient. Je me sentais exalté et supérieur à l'homme même que j'étais la veille. Et il m'est resté depuis une reconnaissance et une admiration de l'amour pour cet embellissement du cœur qu'il apporte avec lui, la beauté qu'il crée en nous, cette élévation au-dessus de soi-même qu'il provoque et dont l'effet ennoblissant survit à sa disparition même. Toute la soirée, je la passais à réévoquer en imagination cette jolie figure allongée, aux yeux fins sous les paupières nonchalantes, à la bouche spirituelle, au front d'enfant, avec un rien de mélancolie, un rien d'espièglerie aussi, et la voix gaie, les gestes prestes, cette démarche souple, un peu féline et harmonieuse et juive, qui garde quelque chose de l'alanguissement oriental, le tout égayé d'un reste d'enjouement de gamine. Et avec la joie et comme la caresse intime de cette beauté de petite fille, dont la méditation provoquait en moi une sorte de griserie légère et sentimentale, mon plus grand ravissement venait encore de cette entente aisée et spontanée qui s'était déclarée entre son esprit de fillette et le mien. L'accord comme musical de nos jeunes intelligences et tout ce qu'il entrait de délicieusement amical dans la volupté ingénue de cet amour d'enfant. Journée heureuse, qui ne laissait ni regret ni mélancolie avec la certitude de la recommencer le lendemain. Le lendemain, c'était en effet le tour de mes parents d'être invités par la famille de Jane dans une propriété que le patriarche israélite possédait non loin de là et où je devais retrouver la jeune fille. Curieuse propriété que cette ancienne abbaye, devenue château et ferme, et que le grand-père de Jane avait acheté récemment pour être revendu avec les vastes champs attenants et dont il se servait en attendant comme de maison de campagne. Immense bâtisse caverneuse, avec salon et salle à manger à s'y perdre, et tout le reste composé d'une multitude de petites chambres, anciennes cellules, quelques-unes vides, la plupart meublées par les derniers propriétaires d'un modeste mobilier rustique, et où couchaient les gens de la ferme, de quoi loger un pèlerinage. Là-dessous, des caves infinies, à plusieurs étages, avec des cryptes aux airs de gouffre, des souterrains s'étendant loin et s'enfonçant on ne savait où sous la campagne. Au-dessus d'une chapelle désaffectée depuis longtemps, au portail écorné, s'élevait une brève tour carrée, dominant l'horizon boisé où les clochers des villages, percés dans les masses d'arbres, se profilaient dans le ciel au haut des collines. Dans la grande cour aux dalles fendues, toute poilue de mousse, un jet d'eau s'égouttait dans une vasque cassée. Et ces gros murs rébarbatifs de prisons religieuses, pleines encore de solennité monastique et surannée, avec la tristesse divine de sa chapelle morte, faisaient un décor un peu bien sévère et comme plein d'une majesté boudeuse à notre petite idylle intimidée, frileuse, sous ses larges voûtes aux échos grondeurs. Était-ce cette mélancolie de ruine auguste et acariâtre, ou plutôt, et tout simplement, la présence et l'importunité de deux cousines de Jane, deux jeunes filles contre 40 et envahissantes, toujours entre nous, mais nous ne pûmes retrouver notre intimité amicale de la veille. Forcément distraits de nous-mêmes, il fallut être à tout le monde et aux cousines, deux grosses filles rouges que je me mis à détester si bien que je crois que je les déteste encore, rien qu'à me les rappeler. Et la journée fut perdue en grosses gaietés vulgaires, en partie de campagne bruyante, qui me semblait encore plus dissonante dans la taciturnité du monastère vide, les sonorités de souterrain des vieux murs, dont nous visitions curieusement tous les recoins mystérieux. Mais si je ne pus retrouver la délicate expansion de la veille, j'eus tout au moins le bonheur de la présence charmante de Jane. Et quand je partis le soir, notre voiture pleine de bouquets, j'étais tout à fait amoureux, à la fois exalté et désolé, avec la sensation de la fin de l'idylle à peine ébauchée et la vision brusque d'une petite Jane venue elle-même, au dernier moment, toute rêveuse, et entrevue une dernière fois, dans la presse du départ, comme toute triste, à travers les larmes perlées du jet d'eau, tombant en éclaboussures claires dans sa basque cassée. Maintenant, que te dirais-je? Ce n'est pas un roman que je t'ai promis, et je n'ai pas à t'en raconter. Et c'est bien pour moi le mélancolique de la chose que l'histoire a été si courte, car il ne s'agissait pas d'un sentiment aussi enfantin que je l'avais cru d'abord. Et maintenant que je grisonne, après des années de travail, de passion et d'ambition, je crois bien que je suis encore amoureux comme je l'étais ce soir-là et les jours suivants, où, averti du départ prochain de la jeune fille et désespérant de la revoir de longtemps, j'allais dans les bois voisins, escaladant les arbres, afin de tâcher d'apercevoir de loin l'horizon du pays qu'elle habitait encore et le toit ardoisé de l'abbaye lointaine. Quelque temps après, je dus partir à Paris commencer ma vie d'homme, la vie de travail et de lutte qui m'a fait enfin ce que je suis. Ma famille, qui avait deviné mes sentiments, m'avait mis au courant. Je ne pouvais espérer aucune solution raisonnable de ma passionnette. J'étais pauvre, et ma petite juive était riche. Longtemps je crus l'oublier, et au bout de longues années d'action et de labeur, je croyais bien avoir gardé de cet amour d'adolescence qu'un souvenir gracieux et fugace. Mais du jour, le succès, après une jeunesse obscure et entêtée, m'arriva tout à coup, faisant de moi un homme riche et célèbre. Je sentis l'amour d'autrefois renaître tout à coup en moi avec une intensité nouvelle. Je n'avais rien oublié comme je le croyais. Mes années de travail, d'art et de pauvreté n'avaient été qu'une sorte d'interruption artificielle de ma vie sentimentale, qui avait sourdement continué à fleurir dans les profondeurs inconscientes de l'âme. Libérée des soucis qui la refoulaient, l'idylle de mon enfance reparaissait dans mon cœur d'homme, plus vivace, plus exigeante. Maintenant, pensais-je, rien ne s'oppose à mon mariage. Mais où est-elle? Qu'est-elle devenue? Je pris le train. Je retournai en province et je m'informai. Les années avaient passé. Comme je devais m'y attendre, Jane était mariée. Malgré tout, je voulus la voir. Comme autrefois, avec ma timidité d'adolescent, j'allais rôder autour de la maison qu'elle habitait à la campagne en me cachant comme un voleur. À travers les charmilles du jardin, je l'aperçus à côté de deux enfants qui jouaient. Elle était devenue grande et belle, élancée dans une svelte et harmonieuse beauté de femme, avec la même simplicité de manière, la même bouche spirituelle, le même alanguissement voluptueux, et rien de mélancolie dans les yeux joliment rêveurs sous les paupières nonchalantes. C'est alors que l'amour entra de nouveau en moi, avec plus de force que jamais, l'amour viril, jaloux et tragique de l'homme, qui va jusqu'à l'enthousiasme et à la colère, fait les héros et les assassins, capables, suivant l'occasion, du sacrifice de soi-même ou du meurtre des autres. Le mari n'était pas là. J'eus le courage de m'enfuir. Je ne me reconnus pas le droit de troubler l'existence heureuse que celle que j'aimais s'était faite. Je repris l'express pour Paris. Et tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai aimé, toute cette beauté, cette rage et cette mélancolie inutile qui m'étouffaient, je les ai mises dans ce portrait dont tu m'as demandé l'histoire et qui est le sien. Usant la flamme de l'art, ma colère et ma douleur d'homme, et plaignant de tout mon cœur les déçus de mon espèce, qui n'ont pas la diversion de l'œuvre à créer, qui ne peuvent pas soulager leur âme en l'exprimant et restent, taciturnes et solitaires, en tête à tête avec leurs souffrances, toute leur vie. C'était Jane, par Henri Febvre.